les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Comme nul n'est prophète en son pays, la parution en 1960 de l'ouvrage de Philippe Ariès, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, passa presque inaperçue. Il fallut sa traduction anglaise et son succès aux États-Unis pour que son auteur trouve ici une reconnaissance et une notoriété soudaine. S'il a suscité nombre de critiques, notamment dans son traitement de l'évolution de l'amour maternel, un point sur lequel Philippe Ariès nuança son propos, ce livre, novateur par son sujet et l'approche qu'il en avait, demeure un ouvrage de référence qui a influencé plusieurs générations de chercheurs. Michel Foucault, qui voyait en lui l'un des historiens majeurs de son temps, a salué ainsi sa disparition en 1984. Philippe Ariès a été l'initiateur. Il tenait beaucoup à l'idée qu'entre un geste représenté dans le tableau le plus rare et toute la nappe des gestes quotidiens, il pouvait y avoir quelque chose de commun à lire. Ici et là, il voyait une mise en forme de l'existence, de la conduite, du sentiment, un style d'être qui leur était commun. Et en cela, je crois qu'Ariès est un précurseur important pour toute une série de recherches qui se font actuellement. En 1971, Philippe Ariès intervenait dans une série des chemins de la connaissance qui s'intéressait à l'évolution de la famille au fil des siècles. On le retrouve ici, au micro de Gilles Lapouge, dans le 7e volet de cette série. Les chemins de la connaissance, la famille à travers les âges, 7e des 10 épisodes, une émission diffusée la première fois, le 16 novembre 1971, sur France Culture. Poursuivant sa série d'émissions intitulée « La famille à travers les âges », Gilles Lapouge s'entretiendra à nouveau aujourd'hui avec M. Philippe Ariès. La semaine dernière, vous nous avez montré, M. Philippe Ariès, que la famille médiévale, contrairement à l'idée reçue, contrairement aux images qui nous sont familières, était plutôt une sorte de nébuleuse assez lâche et distendue. Et que, entre cette famille-là, et la famille que nous connaissons aujourd'hui, il y a de grandes différences. Par conséquent, il s'agirait dans l'émission présente de reprendre cette famille à peu près au point où nous l'avons abandonnée la semaine dernière et de montrer par quelle transition, par quel seuil, elle a réussi à engendrer la famille que nous connaissons aujourd'hui ou du moins la famille du 19e siècle. Par conséquent, est-ce que les choses peuvent être schématisées d'une façon aussi rude que ce que je le fais? C'est-à-dire, est-ce que, à partir peut-être du 14e siècle, du 15e siècle, il y a des sortes de fractures dans la structure familiale ou des resserrements qu'on pourrait définir? Oui. La ligne directrice que nous pourrions adopter serait la suivante. Nous devons étudier une grande révolution qui s'est faite dans le sentiment familial ou dans la famille. C'est-à-dire que nous allons assister au passage de ce type ancien que vous avez caractérisé comme si c'était quelque chose d'un peu confus, mais que je préférerais peut-être caractériser par une institution économico-sociale, oui, où l'accent était mis sur les caractères économiques et politiques. Nous devons étudier le passage de ce type de famille à dominante économico-politique, oui, à un autre type de famille qui est le nôtre aujourd'hui et à dominante affective. Il va donc y avoir un double mouvement, oui, un mouvement et qui n'est pas d'ailleurs absolument synchronique, un mouvement de décadence de l'autorité de la famille dans la société et du rôle de chefferie du père dans la famille, et d'autre part, un épanouissement du sentiment affectif qu'il y a entre eux, les membres de la famille. Voilà le problème et voilà la grande transformation. Cette transformation, elle ne s'est pas faite en un jour, je suppose. Non, elle ne s'est pas faite en un jour. Elle a mis des siècles à se faire. Nous pouvons dire qu'elle est faite dans les classes supérieures de la société à la fin du XVIIIe siècle. On peut dire même que son état d'avancement était certain dès la fin du XVIIe siècle. C'est une évolution bourgeoise. Et cela va descendre dans les autres catégories sociales, mais pendant tout le XIXe siècle. Vous faites la différence entre les classes élevées de la société et les autres, mais il doit y avoir une autre différence qui peut-être recoupe un peu celle-là. C'est la différence entre le milieu urbain et le milieu rural, je suppose. Oui et non. Je pense que dans les catégories supérieures de la société, dans les milieux ruraux, l'évolution s'est jouée également à peu près assez de la même tôt. Manière. Seulement, existe-t-il des catégories sociales supérieures exclusivement rurales? C'est non. Ça. Mais vous nous présentez là, au fond, le terme de l'évolution. Mais est-ce que nous pouvons revenir en arrière et entendre les premiers craquements ou les premières modifications? C'est ça. Alors, comment d'abord cette grande transformation nous devient-elle sensible? Oui. Elle nous devient sensible par des images qui sont extrêmement liées à la structure profonde du sentiment familial moderne. C'est les images de l'enfant et de l'école. Oui. Autrement dit, cette famille moderne, basée sur le sentiment et l'affectivité, est une famille qui va se construire autour de l'enfant. Alors que la famille ancienne était construite autour du père, cette famille moderne, pouvons-nous dire, va être construite autour de l'enfant. Oui, vous nous et avez... de la mère. Si vous voulez, à l'ancienne souveraineté du père, on parle beaucoup de la mort du père, mais ce n'est pas au XXe siècle qu'elle s'est faite. Elle s'est faite très lentement à travers tout le XIXe siècle, à la fois très lentement et très vite. Le père est mort et il a été remplacé par un couple étrange, qui est le couple de la mère et de l'enfant. Vous nous avez dit la semaine dernière qu'au Moyen-Âge, au fond, l'enfant n'était pas conçu en tant que tel. Non. Il n'y avait pas une enfance, une classe d'âge qu'on pourrait nommer l'enfance. Cette enfance, elle surgit dans quelles circonstances? Alors, ceci est très net et très facile à apercevoir. Elle surgit dans la mesure où les adultes répugnent de plus en plus à laisser les enfants partir trop tôt dans la société des grandes personnes et où ils tiennent à ce qu'il existe une période intermédiaire, une sorte de quarantaine, où les enfants vont être mis à part de la société, et cette quarantaine, c'est l'école. Donc, nous arrivons à un type de société entièrement nouveau, où la transmission des valeurs et des connaissances ne se fait plus, ou ne se fera plus, par l'apprentissage, par le contact quotidien direct des adultes et des enfants ou des jeunes, mais par la séparation des enfants et des jeunes hors de la société des adultes et par une éducation en vase clos. Et alors, dans la mesure même où l'enfant va à l'école, il demeure plus volontiers, plus souvent au foyer familial. Bon, ce n'est pas dit. C'est assez curieux, justement. Ça ne se fait pas nécessairement comme cela. Parce que la plupart du temps, l'école n'était pas à l'endroit où résidait la famille. Ah, on allait en pension? On n'allait même pas en pension. Parce que les pensionnaires, ça n'existait pas, sauf pour le prince de Condé. On allait chez une logeuse. Oui. Et des gosses de 12 ans vivaient comme des étudiants de 18 ou 20 ans d'aujourd'hui. Mais le lien avec sa famille d'origine n'était pas coupé. Alors, le lien à la famille, le lien n'était pas coupé par le fait même que l'enfant vivait dans la dépendance de sa famille. Avant de vivre dans l'intimité physique réelle de la famille, il a vécu dans la dépendance tout en étant bien souvent éloignés. C'est assez curieux de voir comment ce sentiment ne s'est pas fait toujours nécessairement par une coexistence immédiate dans l'espace, mais par le sentiment de responsabilité et de promotion sociale et intellectuelle du côté des parents et par le sentiment de dépendance du côté des enfants, ce qu'ils n'avaient pas autrefois. Par conséquent, on peut dire que c'est l'école, au fond, qui invente l'enfance. C'est ça. L'école invente l'enfance et d'un autre côté, c'est la découverte de l'enfant qui a rendu nécessaire l'école. L'école existait auparavant, mais c'était une école technique, comme une école professionnelle c'était d'aujourd'hui. C'était un apprentissage aussi. C'était aussi un apprentissage et elle pouvait très bien durer très longtemps dans la vie. On pouvait recommencer, on pouvait être un grand écolier. Il n'y avait pas en tout cas cette grande différence entre l'école des petits et l'école des grands. Oui, donc l'école met entre parenthèses, au fond, l'enfant, le sépare du monde des adultes. C'est-à-dire que j'imagine que cette sorte de coupure se manifeste dans tous les ordres de la vie. Je crois que vous nous avez dit qu'au Moyen-Âge, l'enfant était présent à toutes les scènes de la rue, toutes les scènes peut-être des tavernes et même à la guerre, je crois. Est-ce que là aussi, il y a une sorte de différence ? L'enfant va se retirer peu à peu, mais il va mettre beaucoup de temps. Et l'enfant va aller très tôt à la guerre, encore au XVIIe siècle, au début du XVIIIe. Mais au XIXe, ce sera fini. Par conséquent, il lui est difficile d'aller à l'école et à la guerre en même temps. C'est ça. Il ira à l'école d'abord, à la guerre après. C'est cela. La femme. Alors, vous nous avez dit qu'au fond, le statut de la femme progresse en même temps que le statut de l'enfant. Je n'oserais pas employer d'ailleurs là le terme de statut qui est trop juridique. Oui. Mettons la condition. Si vous voulez. La condition de la femme va prendre plus d'importance dans la famille au fur et à mesure que l'enfant va prendre de son côté plus d'importance. Pour une raison bien simple, c'est que c'est la femme qui va être, dans une certaine mesure, de plus en plus grande, la gestionnaire de l'éducation des enfants. En même temps que le père, et de plus en plus avant le père. Vous parlez de l'éducation. Il y a l'éducation proprement scolaire. Est-ce qu'il y a, parallèlement à cette éducation scolaire, une transformation dans les relations de la mère et de l'enfant ? Est-ce que l'enfant apparaît d'une façon différente aux yeux de la mère ? Mais entre la famille et l'école, il y avait des échanges constants. L'enfant pouvait être loin de la famille et enfermé à l'école. Il restait en état d'échange intellectuel et moraux avec les familles. C'est ça. Et les familles et les écoles étaient également en état d'échange. Au début, certainement, il y avait une grande séparation entre les familles et les milieux scolaires. C'était un héritage du Moyen-Âge et même de la Renaissance. Mais, sous l'influence des jésuites, des ordres religieux éducatifs, cette différence a été certainement en diminuant de plus en plus. L'école et la famille étaient en état d'osmose. Oui. Pourquoi ? Parce que justement, le but de l'école et l'intérêt que les parents portaient aux enfants coïncidaient. Ce n'était pas toujours une affectivité très apparente, comme nous l'imaginons après. C'était le désir de faire de ces enfants, et des garçons d'abord, quelqu'un de mieux que soi, ou de moins aussi bien. C'est-à-dire que la génération, au lieu de remplacer la génération précédente, la dépasse d'une certaine façon. C'est lié à une idée d'ascension sociale et de mouvement qui était certainement beaucoup moins consciente avant. C'est sûr, ça. Bien, par ailleurs, vous nous dites surtout les garçons. Par conséquent, les petites filles, quel était leur sort à cette époque-là ? Est-ce qu'on les laissait complètement en dehors de ce processus ? Elles n'allaient pas à l'école, elles n'étaient pas éduquées. Les filles ont gardé assez longtemps la forme d'éducation médiévale. Oui. C'est-à-dire qu'elles allaient en apprentissage. Elles allaient en apprentissage dans d'autres familles ou dans un couvent. Mais attention, dans un couvent qui n'était pas un couvent éducatif. Elles vivaient la vie des novices. Et cette vie dans un couvent était tout de même une différence avec l'apprentissage médiéval, en ce sens qu'on les mettait à l'écart. C'est toujours cette notion de mettre les enfants à l'écart. Que ce soit garçon ou fille, à ce moment-là, ils se retrouvent. Mais très vite, et dès le XVIIe siècle, il y a eu l'idée de donner aux filles une éducation comme on la donnait aux garçons. Une éducation intellectuelle. Une éducation intellectuelle. Il ne faut pas croire d'ailleurs que les filles étaient sans connaissance auparavant. Mais elles avaient des connaissances, je dirais presque techniques. Pratiques. Pratiques. Mais le mot pratique étant conçu dans un sens extrêmement large. Elles avaient la responsabilité d'un certain secteur économique dans cette fonction économique de la famille, comme c'est resté dans la famille rurale, où la fermière a la responsabilité de la basse-cour. Cette apparition de l'enfant, donc au milieu de la famille, est peut-être comme cellule formatrice de cette nouvelle structure familiale, j'imagine qu'on l'aperçoit dans un certain nombre de signes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques-uns de ces signes ? Je crois que dans la peinture, dans la gravure aussi, on voit apparaître l'enfant, alors qu'auparavant, il était peu important dans les représentations. Les représentations d'enfants deviennent de plus en plus nombreuses. Elles sont recherchées pour des caractères gracieux qui sont associés à la petite enfance. Mais peut-être ce que nous devrions retenir de plus frappant, comme signe de la place de l'enfance dans la société, c'est le désir d'en réduire le nombre. Oui, c'est déjà un peu plus tardif. Ça date du XVIIIe siècle. Ça date du XVIIIe siècle. Certainement, ça date du XVIIIe siècle. Mmh. Et justement, l'apparition du désir de réduire le nombre des naissances dans les familles des classes supérieures, où justement nous voyons naître, où nous avons vu naître ce sentiment de l'enfance, ce besoin de l'envoyer à l'école. Cette coïncidence entre la naissance du sentiment de l'enfance et la naissance de la contraception est quelque chose de tout à fait frappant. C'est frappant, mais c'est assez mystérieux aussi. C'est-à-dire que, à votre sens, à quel motif ce réflexe tout à fait neuf répond ? Parce que la mortalité restait toujours très importante. Oui, sans aucun doute. Ce n'est pas tellement parce qu'on a pu mieux lutter contre la mortalité enfantine qu'on a fait moins d'enfants. Oui. C'est probablement parce qu'on a éprouvé le besoin de réduire pour renforcer le flux affectif que l'on projetait sur chacun d'entre eux. Donc lié à cette apparition de l'enfant en tant que porteur du sentiment. En porteur du sentiment et en tant qu'unité d'affectivité particulièrement importante. Nous reviendrons peut-être sur ce problème de la contraception qui me paraît très très important, mais je voudrais peut-être un petit peu revenir à nouveau en arrière. C'est-à-dire, vous nous dites, le monde, l'adulte, le père et la mère portent un nouveau regard sur l'enfant. Ce nouveau regard, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'amuse avec l'enfant, qu'on s'émerveille comme aujourd'hui une jeune mère s'émerveille sur les premiers pas de son enfant. Ça veut dire au contraire qu'on est très sérieux, très grave et qu'on lui inculque des devoirs qu'il devra accomplir ou un savoir qu'il devra utiliser plus tard. C'est probablement la seconde attitude et qui est la vraie. Car le fait de se réjouir, de s'amuser avec les enfants est très probablement un héritage, au contraire, d'âge très ancien, où tant que l'enfant a été parmi les femmes, ou tant que dans les sociétés de classe d'âge, l'enfant formait une catégorie à part, il était un jouet, un objet d'amusement pour les adultes. Oui. C'est plus tard, au contraire, que il ne sera plus un objet d'amusement, mais de considération pourtant, et d'attention. Pourtant, il me semble me souvenir que Madame de Sévigné, par exemple, s'émerveille sur les petits-enfants. Elle en fait des lettres qui sont d'ailleurs un peu guindées, mais admirables souvent. Donc, on s'amusait beaucoup de voir l'éveil de la vie. On s'amusait beaucoup et probablement, avec Madame de Sévigné et avec Perrault, on commençait à faire plus qu'à s'amuser, mais à traduire cet amusement dans des formes de rhétorique et de style. C'est moins l'amusement qui est caractéristique d'une attitude nouvelle que la stylisation qu'on lui donne dans ce qu'on peut appeler de la littérature. Les contes de Perrault ou les lettres de Madame de Sévigné, c'est de la littérature. C'est donc une image amusante et probablement archaïque parce qu'on s'est toujours amusé avec les enfants, que l'on n'aurait pas retenu dans un type de représentation relativement élaborée. Bien. Et en même temps, il y a la seconde attitude, c'est-à-dire on forme un homme, et un homme qui probablement, on l'espère, dépassera le père dans la course sociale. C'est ça. Et c'est cette seconde attitude qui est certainement la plus caractéristique des temps modernes et qui va alors s'accentuer. Et qui explique aussi l'importance, la fortune de l'école, de l'institution scolaire. Si bien que le grand intérêt porté aux enfants et l'affectivité nouvelle qui sous-tend cet intérêt ne se traduit pas nécessairement par beaucoup plus de gentillesse ou de tendresse, quoi qu'elle existe, et quoi qu'elle soit plus souvent exprimée qu'autrefois. Mais peut-être que ce qu'il y a de plus significatif, c'est ce qui nous apparaît aujourd'hui le plus rigoureux dans les techniques de l'éducation. Et les adultes se sentent une très grande responsabilité vis-à-vis de ces enfants, et pour eux, l'un de leurs devoirs les plus impérieux est de faire de cet enfant un petit homme, alors qu'autrefois ça se faisait tout seul. Mais là, il y a une période intermédiaire, ambiguë, difficile, et il y a toute une littérature moralisante qui dit aux parents, faites attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et c'est donc pour renforcer la famille et pour renforcer l'enfant aussi, les soins qu'on peut donner à l'enfant, que ces premières tentations de contraception apparaissent vers la fin du XVIIIe siècle. Oh, même, oui, vers le milieu du XVIIIe siècle. Et là encore, toujours un petit peu la même question, quelles traces en possède-t-on? Parce que cela, c'est vraiment le non-dit absolu, il me semble, du moins à cette époque. Absolument, et même pendant longtemps après. C'est une des plus grandes transformations de nos sociétés occidentales. C'est que la chose se dit. Non, mais la chose en elle-même. Oui. Le fait que, pour la première fois, dans l'histoire, au moins des sociétés occidentales, nous voyons intervenir une volonté de mesurer le nombre et de réduire le nombre des enfants. Et bien, ça s'est fait dans le silence. Par conséquent, comment peut-on la saisir, cette volonté? C'est assez difficile à dire en quelques mots, mais ça a été très bien étudié par des historiens démographes, en particulier M. Henry de l'Institut national d'études démographiques, qui a montré d'une manière indiscutable comment, dans le patriciat de Genève, les familles étaient réduites. Nous avançons donc toujours dans ce vagabondage au long de l'histoire mouvementée de la famille. Et en somme, nous en sommes presque à cette famille du 19e siècle. Est-ce que cette famille du 19e siècle, elle vous paraît un petit peu le couronnement de toute l'évolution antérieure et une sorte de palier qui commande encore la famille que nous connaissons au 20e siècle? Sans aucun doute. La famille du 19e siècle et du début du XXe, mettons jusqu'à la guerre de 1914, c'est l'épanouissement de toute une longue évolution qui a commencé à la fin du Moyen-Âge et qui est caractérisée d'une part deux phénomènes liés l'un à l'autre. Le premier, cet intérêt porté à l'enfant, qui va se traduire par un malthusianisme démographique de plus en plus accentué au XIXe siècle. Et d'autre part, par l'allongement de la scolarité des enfants. L'intérêt porté aux enfants s'est traduit au début par leur passage à l'école. Mais encore au XVIIe et même peut-être encore au XVIIIe, ce passage était souvent court. Quelques années à peine, et toute l'évolution du XIXe et du XXe siècle va être dans l'allongement de ce séjour de l'enfant à l'école. C'est-à-dire au point même que... qui va devenir dramatique. Enfin, c'est un des problèmes du monde occidental d'aujourd'hui. Oui, et en même temps, dans la mesure où la scolarité est allongée de plus en plus démesurément, la période durant laquelle l'enfant reste plus ou moins sous l'œil de la famille, à défaut d'être dans la résidence de la famille, cette période s'allonge aussi. C'est ça, et c'est ce qui va, comment dirais-je, allonger la famille conjugale, qui va lui donner une influence de plus en plus grande sur des êtres de plus en plus vieux. Oui. Non pas par succession des générations, comme on s'imagine cette famille qui n'a jamais existé, la famille patriarcale, où il y aurait eu plusieurs générations, plusieurs branches sous le même toit, mais tout simplement parce que l'influence du père et de la mère va s'exercer plus longtemps sur des garçons et des filles qui vont rester plus longtemps dans la double dépendance économique et morale de la famille. Et les enfants, par conséquent, vont être à la fois plus marqués par la famille et plus révoltés par cette marque. C'est évident, d'autant plus qu'il y a un autre phénomène qui va jouer dans les périodes alors relativement récentes du XXe siècle, mettons dans les 50 dernières années, qui va être que ces enfants ou ces jeunes, de plus en plus longtemps dépendants économiquement de leur famille, vont être sexuellement plus précoces. Il y a une évolution inverse pour ce qui est de la vie physiologique par rapport à la vie mentale et intellectuelle. Ce qui explique tant de déchirements, de tensions et même d'explosions. Sans aucun doute. Tout de même, il me semble qu'il y a d'innovations par rapport au XIXe siècle. Moi, je me souviens encore dans mon enfance, les grands-mères, les grands-pères, du moins en province, je ne sais pas à Paris, mais en province, appartenaient souvent à la cellule familiale. En tout cas, ils étaient très présents. Il me semble qu'aujourd'hui, bien souvent, pour des raisons de logement ou aussi à cause d'une fluidité plus grande géographique des existences, le grand-père ou la grand-mère sont un peu moins immédiatement présents. Ils sont très importants sentimentalement, comme toujours, mais ils ne vivent pas aussi près et en tout cas pas dans les mêmes résidences, alors qu'en province, jadis, il y avait beaucoup de ces maisons où il y avait trois générations. Oui, c'est peut-être un phénomène spécial au XIXe siècle et un effet de l'allongement de la longévité à ce moment-là, n'est-ce pas? Mais je pense que la séparation de la famille conjugale et des grands-parents ou du reste de la famille n'est qu'un cas particulier de l'isolement de la famille par rapport au reste de la société. Parce que, alors ça, c'est un phénomène très probablement tout à fait contemporain. Un phénomène qui date de l'urbanisation accentuée des 50 dernières années. Oui. N'est-ce pas ? Et c'est peut-être aussi ce qui explique le phénomène tout à fait curieux de repliement sur la famille à une époque où les valeurs familiales paraissent contestées partout. C'est exact. Alors la famille est à la fois la cible des contestations et le lieu du repli. Le lieu du repli. Et presque aussi, il me semble, le lieu de l'agression un petit peu. C'est-à-dire le que c'est parfois une structure qui est agressive par rapport à la société. En tout cas, qui protège contre les empiètements de la société. On se réchauffe ensemble pour mieux faire front à la société. Si bien que lorsque il y a révolte des jeunes contre leurs parents, c'est moins contre la famille que contre la famille où ils ont vécu jusqu'à présent, et ils vont en fonder une à côté. Ils vont en fonder une à côté, oui, et qui probablement, pour une part au départ, aura les mêmes traits que la précédente. Oui, oui. Cela dit, on peut aussi, et alors là nous entrons déjà dans les thèmes des émissions qui vont suivre, on peut aussi imaginer que cette famille va supporter de grandes tensions et que peut-être toutes ces contradictions que vous nous avez montrées vont apporter des modifications dans la structure même de la famille nouvelle. C'est possible. Il est possible aussi que ce qui nous paraît contradictoire se résolve à un degré plus profond d'analyse. Nous disions tout à l'heure que l'un des signes qui nous permettaient de mesurer l'importance de la famille était le malthusianisme, était l'introduction de la contraception et du calcul du nombre des enfants. Ça s'est traduit par une réduction du nombre des enfants. Et on peut mesurer presque mathématiquement l'extension de ce sentiment moderne de la famille par l'extension des familles où les enfants sont peu nombreux. Mais ce serait tout à fait faux de faire de ce signe quelque chose de durable. Parce que nous avons vu le contraire se passer dans les années 1940-50, dans ce que l'on a appelé le baby-boom, où ce sont justement les familles bourgeoises, les familles de cadres, les familles de classe moyenne, qui, au XIXe siècle, avaient réduit leur natalité, et qui se sont mises à l'augmenter, mais non pas à l'augmenter avec une espèce de prolificité instinctive, comme les familles archaïques, mais au lieu d'avoir un enfant, ils en auraient deux, au lieu d'en avoir deux, ils en auraient trois, et des familles de quatre enfants dans les années 40-50 n'étaient pas considérées comme des familles nombreuses, alors que quatre enfants en 1930, c'était quelque chose de relativement étonnant. C'est certain, c'est certain. Eh bien, ceci peut également s'interpréter comme un signe nouveau de la réaction de la cellule familiale aux agressions du monde moderne. Je vous remercie. Voici terminé donc ce voyage parmi les familles traditionnelles et parmi les familles historiques. La semaine prochaine et les semaines prochaines, nous aborderons la famille proprement contemporaine. C'est-à-dire qu'en elle, nous devrions retrouver à la fois les permanences de la famille telle qu'elle s'est constituée au XIXe siècle, mais simultanément, il y a de nouvelles tempêtes qui secouent cette structure. Il y a des novations, comme vous venez de le dire, dans le système démographique. Il y a des changements au niveau même des mentalités, au niveau de la représentation que l'enfant ou que la femme ou que l'homme se fait de lui-même. Ce sera l'objet des dernières émissions de cette série que de décrire les mouvements, les violences, les secousses dont la famille contemporaine est secouée. C'était La famille à travers les âges, une émission de Gilles Lapouge qui a reçu à nouveau aujourd'hui M. Philippe Ariès. Mise en page, Christiane Mallarmé, assistante de production, Catherine Bénévent. Cette émission a été diffusée la première fois le 16 novembre 1971 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Famille nombreuse, quand on est frères et sœurs.